Salut, salut, salut, Lost in Space commence immédiatement pour votre grand rendez-vous de rock, musiques expérimentales diverses et variées. Et aujourd'hui, c'est plutôt punk rock avec immédiatement les Bomb Pops. Mais à présent, le Texas était invisible, de même que les États-Unis. Ça plaît pour moi. Bien que le flux de plasma des moteurs eût été depuis longtemps coupé, Explorateur 1 continuait de s'éloigner de la Terre comme une flèche de métal lancée vers les planètes extérieures, son destin fixé par le dispositif optique automatique qui le guidait. Un unique télescope, cependant, demeurait en permanence orienté vers la Terre. Il était monté à la façon d'une lunette sur l'antenne principale et veillait à ce que le grand réflecteur parabolique fût constamment pointé sur sa cible. More than the white girls. I was so pleased to learn they were faster. Can't guess, guess, guess, guess, guess who I'm after. Long comes little faggot white boy. Look, look, look for some kind of joy. They come around so queer and quiet. Inside, rebel and riot. So I dig the white boys. Oh, so much more than the black boys. I so need to learn they're not smarter. Don't give to me harder. We'll be right back. know I love the Lord of hosts, Father, Son, and the Holy Ghost. I'm so pleased to learn that He's inside me. In my time of trouble, He will hide me. I dig the black girls. I dig the black girls. I dig the black girls. I dig the black Aussi longtemps que la Terre demeurait au centre du viseur, le lien était maintenu et les messages circulaient au long du faisceau invisible qui, chaque jour, s'allongeait de plus de 2 millions de milles. Try these. me alive. I can't get my fate. I need help, for it's too late. It's time to survive. Don't know if I can do it. I need to belong. I need to hang on. I need keep me alive. Truth I must obey. Can't turn my eyes from the past. This crisis is the last. It's time to survive. Don't know if I can do it. Keep me alive. I'm lying under judgment. Bad none of my own. Don't know what I'm doing. It's time to survive. Don't know if I can do it. I need to be wrong. I need to hang on. I need keep me alive. Only you can do it. Keep me alive. Only you can do it. It's how to survive. Don't know if I can do it. Keep me alive. Keep me alive. Keep me alive. Keep me alive. It's how to survive. Don't know if I can do it. I need to hang on. I need to belong. I need me. Une fois au moins à chacun de ces quarts, Baumann vérifiait l'alignement du télescope antenne. La Terre, à présent, était dans le Soleil et présentait son hémisphère obscur au vaisseau. John, vous connaissez ? Eh ben, c'est super. And the world is a darling, and just in a people. This is a king of giants and a cabinet, to take my race to go. Don't let me know the best of all he has done. gonna work it in, man. But I don't wanna die with rain in my hand. And I think everything is dead. It sounds like heaven is burning. It sounds like heaven is burning. It comes in your neck, darling. When I see it, it's you and me. But it's burning miles of sun that you've got in the deep blue sea. Sur l'écran, elle n'était plus visible que comme un fin croissant argenté, que rien ne distinguait de Vénus. Il était impossible de déceler le plus infime détail géographique dans cet arc de lumière voilé de brume et de nuages, mais la zone obscure était fascinante, avec les multiples points de lumière des villes dans la nuit qui brillaient parfois d'un éclat fixe ou clignotaient sous les turbulences de l'atmosphère. We'll be right back. the tipping point. The arguments may lead to less cohesion. A mere collection of parts. Open. Il y avait aussi des périodes où la Lune, passant et repassant sur les continents et les océans sombres, était comme un lampion géant. Bauman, alors, parvenait à déceler le tracé de quelques côtes familières à la clarté spectrale du satellite. À d'autres moments, quand le Pacifique était calme, il pouvait même distinguer le reflet du clair de lune à sa surface, et il se souvenait alors des nuits passées sous les palmiers au bord des lagons. Pourtant, il ne regrettait en rien toutes ces merveilles perdues. Il avait profité de ses 35 années de vie et il était bien décidé à en profiter à nouveau lorsqu'il reviendrait riche et célèbre. La distance rendait toute chose infiniment plus précieuse. Le sixième membre de l'équipage se souciait bien peu de tout cela, car il n'était pas humain. Il s'agissait de Carl 9000, l'ordinateur le plus perfectionné qui fût, cerveau et système nerveux de l'astronef. This is yours and this is yours. SARL, sigle de son appellation officielle, cerveau analytique de recherche et de liaison, était le chef-d'œuvre de la troisième génération des ordinateurs. Cette génération semblait se renouveler tous les 20 ans, et la simple pensée que la quatrième était imminente semblait contrarier beaucoup de gens. We'll be right back. La première génération remontait à 1940. À cette époque, le tube sous vide avait rendu possible la création d'idiots électroniques tels que ENIAC et ses descendants. Et puis, en 1960, la microélectronique avait connu sa grande période de développement. Avec elle, il apparaissait clairement que les cerveaux artificiels, aussi puissants que celui de l'homme et de format réduit, pouvaient être créés si l'on savait comment s'y prendre. Strictly Shark Fox under no manners. Give me something to get my teeth into, a head on the head with a piece of bamboo. I have got to get my meat. Here comes the shark attack. It's a load of crap and I ain't gonna take the rap. Shark fucks, shark fucks, shark fucks, shark fucks. programme de la vie quotidienne à bord avait été mis sur pied avec beaucoup de soin et, théoriquement du moins, Bauman et Poole savaient heure par heure ce qu'ils avaient à faire. Leur vie était réglée selon deux quarts de 20 heures chacun qu'ils prenaient à tour de rôle sans jamais dormir tous deux en même temps. L'officier de quart devait demeurer sur la passerelle de contrôle, tandis que son second inspectait le vaisseau et assurait les diverses tâches qui s'avéraient nécessaires lorsqu'il ne se relaxait pas dans son habitacle. Bien que Bauman fût officiellement commandant durant cette phase de la mission, un observateur extérieur n'aurait pu le deviner. Les deux hommes échangeaient totalement leur rôle, leur grade et leur responsabilité toutes les 20 heures. Cela leur assurait un entraînement maximum, diminuait les risques de friction et augmentait considérablement l'efficacité du travail. I felt dirty and I didn't know why. Don't need a dame to try to make a change that you can't understand, but all I need is money. escarre de Bowman commençait à 600, selon l'horaire du vaisseau basé sur le temps astronomique. S'il était en retard, Karl disposait d'un choix appréciable de sonneries, carillons et bourdonnements pour le rappeler à son devoir. Mais jamais il n'avait eu à s'en servir. Poole avait une fois fait l'essai et débranché le circuit. Bowman s'était quand même réveillé à l'heure. The little glass sides, they never lie. How can this fall like cold? I've never seen anything like it before. This amoeba's got a mind of its own. But don't turn your back, stupid science world. This is reaching for the telephone. It's alive. You're better off dead if you only knew your growing life's taking a dive. I've never seen anything like it before. This amoeba's got a mind of its own. But don't turn away, you stupid science world. This is reaching for the telephone. Yeah. Son premier devoir était d'avancer le programmateur d'hibernation de 12 heures. Si par deux fois au cours d'un quart, cette opération n'était pas exécutée, Carl devait s'assurer de la neutralisation des deux hommes et prendre les mesures qui s'imposaient. Bowman procédait ensuite à sa toilette et à ses exercices physiques avant de prendre son petit déjeuner, tout en consultant l'édition du matin du World Times, transmise par radio depuis la Terre. Used to do. Jamais il ne s'y était intéressé autant qu'à présent. Les plus vagues rumeurs politiques, les plus ternes ragots captaient son intérêt. À 700, il relevait officiellement Poole sur la passerelle et lui apportait un tube de café. Si, comme c'était en général le cas, il n'y avait aucun rapport à faire, aucune décision à prendre, il se livrait à un examen général des appareils et des instruments et procédait à une série de vérifications destinées à révéler de possibles défaillances. À 1000, il avait fini et passait en phase d'étude. Bauman avait été étudiant durant la moitié de son existence, et il continuerait sans doute à l'être jusqu'à sa retraite. La révolution de l'information et de l'éducation lui a permis d'acquérir des connaissances équivalentes à 2 ou 3 programmes d'études supérieures, et, ce qui était plus important, d'en conserver 90% en mémoire. 50 ans auparavant, il eût été considéré comme un spécialiste en astronomie, cybernétique et propulsion spatiale. Intelligence artificielle, c'est la seule chance qu'il tenait. Télévision, il maîtrise les ficelles, détruisez la façade et le vide apparaît. Il fréquente les cocktails et les soirées privées. Il se donne de la peine pour briller la société. Il a tous les bonbons de faire les oublier à la fuite des ragots pour violer le porté. Intelligence artificielle, c'est la seule chance qu'il connaît. Il fait partie de l'élite culturelle, prêt à jouer les coudes pour pouvoir s'accrocher. Thank you. Pourtant, il était prêt à nier sincèrement qu'il pût être un spécialiste en quelque discipline que ce fût. Jamais il n'avait pu se concentrer sur tel ou tel sujet en particulier. En dépit des avertissements de ses maîtres, il avait insisté pour choisir un premier degré en astronomie générale, discipline qui était le comble du vague et du flou, réservée à ceux dont le quotient intellectuel se traînait au-dessous de 130 et qui n'avaient plus aucun espoir d'atteindre le sommet dans leur branche. Ça avait été une sage décision. Nous impose des overdoses de barbaques et d'arnaques, des vacheries, des boucheries. C'est le dictat de l'estomac. Élevage de porc trop fort. Je te tranche ta queue, c'est mieux. Castré, torturé, quel pied. Harakiri dans la porcherie. Vache de poulet, parfait. Condition de vie pourrie. Je te coupe le bec à sec. Aux antibiotiques, je te pique. Élevage intensif, massif. Volaille en cage, sois sage. On fait des crèmes à l'eau de chambelle. La dioxine dans ma cuisine. C'est de la balle. Farine animale, c'est spécial. Vache folle, y en a ras-le-bol. Vos hormones, ça cartonne. Délivre-nous des cadavres. La nourriture est pourriture. Vas-y, ma faim est mon contient. Welcome to our album. We'll be right back. Le fait même de refuser toute spécialisation l'avait désigné pour cette mission. De la même façon, Frank Poole, qui s'intitulait parfois praticien en biologie spatiale générale, était un second idéal. À eux deux, avec l'aide de la vaste mémoire de Carl, ils pouvaient venir à bout de n'importe quel problème susceptible de surgir durant le voyage, pour autant que leurs esprits demeurent réceptifs et alertes, et leur mémoire intacte. Bye. Aussi, durant 2 heures, de 1000 à 1200, Baumann devait-il dialoguer avec le tuteur électronique. Shuts her mouth and seems to swallow us all. Shakes up the booze and unwanted organisms. There's a man outside who says he's going to read the ether. Picking up Bo's voice when it's time for dinner. There's always someone who thinks they've got a plan. Someone with a whip hand who thinks they are a man. A rescue package that will barely save the day. Even when implemented with no further delay. Delay. Predictive octopods enchanting and seductive. Even amongst mundane thoughts seem quite sensuous. Installation seems to bathe us all in sound, picking up clues from penitential saviors. There's always someone who thinks they've got a plan. Someone with a whip hand who thinks they are a man. A rescue package that will barely save the day. Even when implemented with no further delay. Concern.